Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Site internet, le fondateur du site internet Le Blitz, NFL.com à ce samedi matin. Salut Tony. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien Tony. Effectivement, donc on va commencer avec les deux nouvelles importantes dans le monde de la NFL cette semaine. Richard Sherman qui signe avec les Buccaneers de Tampa Bay. Oui, tout à fait. Le demi de coin, il était agent libre. Ouais. Donc, je pense que c'était le meilleur agent libre à sa position disponible. Puis, ça tombe bien parce que les Buccaneers, leur tertiaire va plus ou moins bien. Mm. Et je trouve que l'organisation a quand même été agressive pour aller le chercher parce qu'il va apporter, quand même de l'expérience. Tu sais, il a fait 3 Super Bowls. Ouais. C'est un gars qui se donne beaucoup, donc c'est une très bonne signature pour Richard Sherman, puis il devrait jouer demain soir face au dimanche soir. Je pensais que le fait qu'il débute, tu sais, c'est sûr qu'il sera pas vraiment, il fera pas la grande différence, il connaît pas encore le cahier de jeu, ainsi de suite. Ouais, ben c'est ça, mais ça va être, on est en semaine 4, donc... Ouais. Tu sais, ça va se travailler petit à petit. Je ne sais pas jusqu'à quel point il s'est entraîné et tout ça. Donc, oui, c'est sûr, il va avoir un peu de temps de jeu. Mais tu sais, ça va se travailler. Puis peut-être qu'il va avoir peut-être plus un rôle hors terrain, dans le sens que pour aider puis donner un petit coup de main de temps en temps. Mais tu sais, je veux dire, d'ici jusqu'au Super Bowl, il y a bien des choses qui peuvent se passer. Puis tu sais, moi, je pense que c'est... oui, il n'y aura pas un impact tout de suite immédiat dans l'équipe. Mais moi, je trouve que c'est le genre de gars qui est en train de se préparer peut-être sa retraite, puis il veut bien finir. Là. Il me fait penser à un... c'est des joueurs qui me font penser un peu à un Corey Perry là, des Canadiens au hockey. Fait que, tu sais, il va quand même apporter quelque chose de bien, de positif. Là. OK. On va parler aussi de Josh Gordon, qui lui a signé avec les Chiefs de Kansas City. Lui, c'est incroyable. Là. T'es mal pris. Là. Quand tu vas signer Josh Gordon, c'est t'es mal pris. Hein? Ouais, ben ça, c'est des genres. Hey, c'est une sixième chance, je pense. Ouais, c'est un sixième retour pour Josh Gordon. Le talent est là, par exemple. Faut pas oublier ça. Là. Pardon? Le talent est là. Oui, le talent, il est là. Il a été vraiment... à l'encontre, soit la justice, la drogue, la mauvaise conduite, là, en tout cas, bref, il a tout fait le tour. Là. Mais c'est le genre d'organisation qui prend des risques. Là. Ça veut pas dire, au football, là, ça veut pas dire que tu le signes pour longtemps. Fait que s'il fait pas l'affaire, il va retourner chez eux assez rapidement. Donc, je veux dire, les Chiefs ont donné, ils avaient donné la chance à Le'Veon Bell, tout ça. Ça, c'est le genre d'organisation avec Andy Reid. Mais on sent un peu, je dirais pas de panique, mais on sent pour les Chiefs que c'est un début de saison quand même surprenant. Là, puis là, t'as quand même les Raiders qui connaissent des bons débuts de saison, les Chargers, Denver 3-0, mais Denver, faut prendre ça avec un grain de sel, là, compte tenu que l'équipe coûte 0-9 les adversaires des Broncos. Donc ça, je pense que ça va revenir à normal. Ben exactement, ça commence tout de suite cette semaine. Là, ils vont affronter Baltimore, ils vont affronter Pittsburgh la semaine prochaine, Vegas, Cleveland, donc Denver. Mais c'est 3 victoires que tu aimes avoir déjà tout de suite en partant, ça l'aide énormément. Fait que, mais comme tu dis, c'est un gros test. Les Chiefs, c'est la première fois dans l'histoire, depuis que Patrick Mahomes est là, c'est la première fois qu'ils sont derniers de leur division. Mm. Avec une victoire, 2 défaites, les Chargers vont bien, c'est ça. Puis Vegas, puis Denver à 3-0. Donc c'est la division Ouest, dans les deux conférences, ça va super bien, très... très compétitive. OK, on va parler maintenant des matchs de la semaine. Pas besoin de te dire le match de la semaine. c'est pas nécessairement le meilleur match au niveau football. Non, t'as raison, Danny. C'est le meilleur match au niveau football, c'est les Cards de l'Arizona contre les Rams. Ça va tout être un match de football, là. Ça va être excellent. Mais tu sais, écoute, le retour de Tom Brady se fait. Moi, j'ai regardé le calendrier. J'avais hâte au calendrier du mois d'avril quand ça a sorti pour avoir la date. Ouais. On y est là maintenant. Ah oui, finalement. Est-ce qu'il va être. J'écoutais hier des gens qui disaient que peut-être, compte tenu de la foule de Boston, qui est très très dure, il va être hué. Je peux pas croire, mais qu'ils vont le huer, là. Ah, je pense, non, je pense pas non plus. Ça va être vraiment bizarre, là. Il va y avoir comme deux périodes. Il va y avoir l'avant-match. Ouais. Tu sais, l'avant-match où on va le reconnaître. Puis il faut pas s'en cacher. J'ai hâte de voir ça. Brady est à 68 verges par la passe pour battre le record de Brees aussi. Drew Brees, donc, ouais. Drew Brees, est-ce qu'on va aussi arrêter le match pour féliciter? Parce que ça va être quand même tout un exploit. Mm. Donc, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qui va se passer demain, mais pour revenir à ta question avec la poule, avant le match, ils vont quand même... Hey, ce gars-là t'a amené Super Bowl que les gens de... On verra plus ça, là, je dirais. Ben, je veux dire, on peut-être, mais je sais pas voilà, de notre vivant, là. Mais, fait qu'ils vont l'apprécier. Ils sont quand même assez intelligents de voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette organisation-là à la fin. Tu sais, veux pas, là. Tu sais, Danny, comme toi, comme fan, là, le gars, il a 44 ans, là. Quand il a commencé à avoir 40 ans, là, on dirait, OK, ça me faisait penser à Calvillo avec les Alouettes. Oui. Tu vois à un moment donné, là. Tu vois Big Ben C'est ça. Fait que là, les gens là, sentaient la fin pour Brady, mais le gars, tabarouette. Là. C'est vraiment le terme que je dis, tabarouette, là, dans le sens que le gars, il est retourné avec une autre équipe, il est allé gagner un Super Bowl chez eux avec Tampa Bay. Là, c'est incroyable. C'est un phénomène. OK. On va parler maintenant de on va parler j'écoutais hier un podcast avec le podcast de Stéphane Cadorette et Jean Carrier. Puis Jean Carrier avait une maudite bonne comparaison. Hein. Il disait que lui, il disait que Brady était meilleur avec Belichick et Belichick n'aurait pas gagné des Super Bowls sans Brady. Tu sais, c'était un match parfait, là. Oui, ben c'est ça, moi j'appelle ça se complète. Je veux pas dire Belichick a quand même amené un certain style de jeu. Il s'est vraiment adapté vite, là. Puis avec les 20 années, là, on pourrait voir comment que, tu sais, le gars, il court pas avec le ballon. Puis il y a une bonne ligne à l'attaque aussi, puis c'est la clé, puis c'est bien correct de même aussi, là. Puis je pense que Brady a démontré avec les corps arrière qui n'ont pas une bonne ligne offensive, c'est de lancer le ballon rapidement. Puis je pense que Tom Brady, c'est son art en ce moment. C'est qu'il décroche le ballon assez rapide, donne pas du temps. Tu sais, je veux dire, si la ligne est faible, là, il va se faire ramasser. Donc, c'est là qu'on va voir. Puis, les Patriots ont été bons là-dessus pour attaquer le corps arrière. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont agir face à ça. Mais t'as raison, ça prenait ces deux morceaux-là, comme on dit, du puzzle pour rendre les Patriots ceux qui seront ou ce qui se sont rendus. Mais je te dirais peut-être l'avantage qu'on voit en ce moment, ben l'athlète a démontré le plus positif dans ce changement-là. Mais tu sais, je veux dire, Belichick quand même, il apporte quand même. Est-ce que c'est la dernière année de Bill Belichick avec les Pats? Ben c'est lui qui va déterminer ça. À l'âge qu'il est rendu. Moi, je trouve qu'il est... j'espère sur le terrain, il fait sa job, mais devant les caméras, je suis vraiment tanné. Là, il est pas bon. Pas qu'il est pas bon, et je sais pas quel genre. Ça tente pas de parler. Il est rendu arrogant, il répond pas aux questions. Pauvre journaliste là-bas qui essaie de faire une job puis mettre du contenu dans leur contenu, là, tu sais, comme on dit. Là. Mais c'est lui qui va décider, Belichick. Je pense qu'il est en train de préparer. Là, on se pose des questions aussi sur George McDaniels. Ouais. Comment il amène Mac Jones un peu. Là. Mais c'est pas le pire corps, là, Mac Jones. La semaine passée, il était 3. Il y a eu des interceptions. C'est un manque d'expérience, là, souvent. Là, il a lancé le ballon au lieu de le garder. Ça, j'en ai vu une, entre autres, c'était ça. Là. Donc, tu sais, c'est pas... c'est ça, un jeune corps. Il va avoir des hauts et des bas. Il avait pas si mal fait que ça au début de la saison. Là. Mais t'as tout à fait raison, Danny. Puis c'est pour ça que je parle beaucoup de McDaniels. Là. J'accuse pas Mac Jones. Il a une très belle éthique de travail, très professionnelle. Tu sais, le gars, il vient du système à Nick Saban. Fait que, tu sais, c'est très sérieux. Puis tu le vois qu'il est là. Puis oui, c'est des erreurs d'inexpérience. c'est de là de voir comment McDaniels ou un genre de coordonnateur va l'amener à un certain point. Là. On regarde le meilleur exemple, on regarde les Jets. T'sais, ils ont ruiné Sam Darnold, sont en train de ruiner aussi Zach Wilson. Donc, ça part du coaching et comment tu bâtis ton équipe autour. Et c'est pas juste ça non plus. Je pense qu'à quelque part, c'est d'aller chercher un vétéran. Exact. Ben, c'est ça. Un Gardner Minshew, genre Nick Foles, quelque chose pour l'appuyer, pour le faire commencer. C'est la même chose. C'est pour ça que Mac Jones, j'ai été surpris que les Pats libèrent Cam Newton en début de saison. Mais ils sont allés chercher Brian Hoyer. Ouais, fait que c'est quand tu parles de... Non, mais je veux dire, c'est le genre de corps arrière qui va t'aider hors terrain. Là. C'est pas lui qui va être ton meilleur. Je pense qu'ils ont pris la décision de dire, comme tu viens de dire, ça prend de l'expérience. Je pense que les Patriots ont décidé de mettre Mac Jones sur le terrain en tout temps. C'est là qu'il va apprendre. Mais puis Hoyer va apporter cette aide-là. Donc, si les Pat Mahomes, les Aaron Rodgers n'ont pas commencé tout de suite, hein? Exactement. Peyton Manning, c'est lui qui a eu le record d'interception à sa première saison, tu sais. Fait que nomme-le, tout Brett Favre aussi, tu sais, c'est souvent sont assez rares les carrières qui commencent. On va y aller. Tu me parlais que Gronk pourrait rater le match de demain. Ça aussi, on en parle très peu, mais Gronk aussi qui a été l'un des meilleurs alliés rapprochés de l'histoire des Pats, sinon le meilleur allié rapproché, lui aussi pourrait faire un retour. Là. Ben oui, il revient à Foxborough, sauf que, comme tu dis, c'est lui qui mène avec le nombre de touchés pour les Patriots, avec 79 de l'histoire. Fait, lui aussi, il est dans le livre des records des Patriots, qui a été choisi au deuxième round, 42e au total en 2010. Gronk, il est blessé aux côtes, puis hier, vendredi, ils l'ont mis dans la liste doubtful, là, douteux, comme on dit. Puis trois fois sur quatre, quand tu es nommé douteux, il y a des bonnes chances qu'il ne jouera pas. Okay. Mais Coach Arians, en début de semaine, il a dit que ça va être une décision d'avant-match. Mais moi, il va tout faire pour y aller, hein? Lui aussi. Là. Je sais pas. Fait qu'on va voir. Là. On va voir, mais comme j'ai dit, ça va être un excellent retour pour Gronk et les Patriots en Nouvelle-Angleterre. Fait qu'on verra s'il va jouer ou pas, mais ça semble être non. Vu le statut qu'ils ont donné hier dans le rapport des blessés. OK, le meilleur match de la semaine, selon moi, si on parle carrément de football, il y a deux matchs. Hein. C'est Arizona. Seattle contre San Francisco, ça va être bon aussi. Oui. Mais c'est Arizona contre... Arizona contre les Rams, ça c'est le gros match là. Tout à fait. Les deux équipes qui ont trois victoires, aucune défaite. Un match de division, c'est quoi qu'on veut plus? C'est vraiment au niveau football le meilleur match à suivre. L'affaire qui est très surprenante, c'est que Kyler Murray des Cards a beaucoup de difficultés contre la défensive des Rams et Aaron Donald. Parce que dans les trois, quatre derniers matchs que Murray a joué, donc les quatre, il s'est fait saquer 11 fois. Il y a eu quatre interceptions. Il y a vraiment pas un grand pourcentage de passes complétées. Donc j'ai l'impression que Murray va être nerveux et la défensive des Rams, mais ça va super bien. Les Rams jusqu'à maintenant, leur pari est pas risqué et très bien calculé avec Matthew Stafford, avec la connexion qu'il y a. Connor Locke. Ouais. Cooper Kupp. Receveur, là, donc toute une connexion. Donc, gros match. On a hâte de voir justement cette équipe-là des Cards, comment va s'ajuster contre une défensive qui est forte. Donc, ça va être vraiment très intéressant à suivre. Donc, deux matchs de... match avec 3-0, ça va être super. L'autre match, je pense que c'est le Monday Night Football. Les Raiders à Los Angeles contre les Chargers. Ça, ça va être bon aussi, ça. Incroyable, ça va être super. J'ai hâte de voir Derek Carr. Les Raiders surprennent, sont vraiment. Derek Carr est en feu, connaît probablement l'une de ses meilleures saisons depuis qu'il est avec les Raiders. Contre toute attente, là, on s'attendait pas. Il n'y a personne qui voyait les Raiders en ce moment un tel début de saison. Puis comme tu dis, Derek Carr, ça va tellement bien. Les Raiders mènent la NFL avec une moyenne de 471 verges à l'attaque par match. C'est beaucoup. Puis ils vont jouer contre les Chargers qui sont allés chercher une grosse victoire contre les Chiefs. Justin Herbert surprend de plus en plus. Puis c'est leur meilleur départ en 19 ans pour les Chargers. Donc une autre grosse division, comme je disais tantôt, la division Ouest dans les deux conférences, elle est très, très, très compétitive. Deux gros matchs de division en fin de semaine. Puis on est vraiment choyé dans les matchs en soirée prime time en début de saison. Ouais, mais le Monday night, des fois, même le jeudi soir, des matchs, jeudi soir, ça a été le fun de voir Trevor Lawrence contre Burrow. Mais oui, je sais qu'il essaie d'avoir les meilleurs matchs en prime time, mais il y a quand même du bon contenu, des bons matchs. Des fois, on est déçus, là, mais ça va super bien. Bon. Tony, on s'en parle vendredi ou samedi prochain? Excellent. Bon football, tout le monde. Notre ami Tony Guzzo du site internet lebitsnfl.com.